J'ai bien. Change de son. Change de sonorité de piano. Moi, c'est pareil. Ah putain, ça marchait, mec, tout à l'heure. Tes dB sur Ninja, mais ils doivent être à au moins à moins 20 quoi. Attends, là, ils sont à combien? Ouais, ils doivent être à là, ils sont à moins 60, mec. J'entends rien du tout. J'entends que dalle, mec. Thank you. La sortie sur ta carte son, tu l'as mis fort. Le volume sur ta carte son. Le volume du clavier. Non, il n'y a pas. Il est branché en midi, il n'y a pas de volume dessus. Non. Thank you. Thank you. Je t'entends presque pas, mec. Faut que tu règles le souci, putain. Putain, c'est neuf, ça. Putain. Hein? Je t'entends mieux là. Attends, je vais augmenter le volume et je vais baisser le volume de mon son à moi, d'accord? Vas-y. Ouais. Vas-y. Je t'écoute. Joue. Putain, on a raccroché parce que... Attends, je remets le téléphone. Je te rappelle ou tu me rappelles toi?